Les larmes de Fra Angelico, de Paul Flatt. Au bas de ces tableaux d'autel, inappréciable trésor des églises italiennes, que notre curiosité sans cesse interroge dans le silence des chapelles emplies d'ombre, il est une scène qui fréquemment revient, pacifiante pour l'âme et si reposante à nos esprits inquiets. Parmi les épisodes de la vie du saint que le vieux maître nous rapporte, ne sont-ils pas d'ailleurs presque toujours semblables? Celui-ci a pris soin de représenter son héros assis en un coin de cellule et les coudes appuyés sur un pupitre droit, dans l'attitude de dévotion absorbée, sur qui ne sauraient agir les appels de la vie ni les stériles agitations du monde. Tel, je me figure qu'était Angelico, priant en la solitude de ce couvent Saint-Marc, au cœur même de Florence, modèle de distribution intérieure et d'ordonnance réfléchie. Voici la cellule dans laquelle il vécut, âme rayonnante et pure qui, sans doute, n'avait qu'une faible conscience de son lumineux génie. D'autant plus grand à nos yeux, il enseigne le renoncement volontaire et la véritable sagesse. Menant l'existence commune et s'égalant à ceux dont il partageait la vie, aux heures de la prière, il humiliait son esprit. Puis, quand il prenait son pinceau, l'instant venu du travail, c'était en quelque manière une exaltation nouvelle et plus ardente encore, puisqu'en face de l'image qui lui présentait son Dieu souffrant pour lui, il advenait, nous disent ses biographes, que ses yeux s'emplissent de pleurs pitoyables. Bienheureuse larme, larme révélatrice. Au psychologue qui vous consulte, quel précieux indice vous allez être. Quels témoignages irrécusables ne lui donnerez-vous pas sur l'état d'âme de qui les versa? Avant tout, celui d'une imagination représentative qui n'eut peut-être pas d'égal. Et nous savons quelle source d'infinie volupté celle-ci peut devenir pour l'artiste. Appliquée comme elle fut par Angelico à la résurrection des états intérieurs et des émotions qui leur répondent, elle le soulève tout entier jusqu'en ses régions sereines où les réalités ne peuvent l'atteindre. Mais vous allez plus avant encore, et dénotez une ardeur de foi, une intensité de croyance, au prix desquelles tout mobile humain perd sa valeur et sa portée, car celui qui les possède ne saurait réserver aucune part de son être, et c'est en un abandon complet qu'il se renonce lui-même. Larme bienheureuse, encore une fois, valez-vous point les pleurs d'amour qu'une exaltation passagère nous fait répandre sur la créature fragile et trop aimée? Je me trompe. Vous êtes aussi des pleurs d'amour, d'un amour à qui furent épargnées toute inquiétude et toute souffrance. Aujourd'hui, nous imaginons mal un pareil état d'âme, et nous avons quelque peine à le recréer sympathiquement. Ce sont choses mortes pour la plupart, bonne tout au plus à faire figure dans le musée des curiosités historiques. Mais pour quelques autres, si vivantes encore, puisqu'elles gardent ce pouvoir d'éveiller en eux les plus émotionnants souvenirs. L'intelligence n'y suffit point, il y faut quelque autre chose encore qui ne se donne ni ne s'acquiert, et c'est à des facultés d'un autre ordre que nous devons faire appel. Mais le point vaut qu'on y insiste, car c'est touché du même coup à l'un des plus intéressants problèmes de l'âme contemporaine. Parmi nous, quelques-uns connurent cette fortune d'avoir leur enfance et leur première jeunesse bercées au champ de cette religion qui corrigea pour eux les insuffisances d'un enseignement dépourvu de noblesse autant que d'idéal. Bonheur rare et, pour tout dire, très essentiel d'une vie, puisque si leur intelligence devait se libérer peu à peu d'entraves trop positives, leur sensibilité du moins en allait demeurer à tout jamais impressionnée. Pas une démarche de leur vie sentimentale qui, dans l'avenir, n'en dût être marquée. L'amour, surtout, y prit une importance, une signification capitale. Quelle gratitude, en effet, ne devons-nous pas, nous tous, qui fûmes modelés par les pratiques du catholicisme, à des éducateurs qui, sous prétexte d'écarter de nous ces troublantes émotions, constamment en proposèrent l'image à nos cerveaux inquiets. Qu'ils se reportent donc, ceux qui sentirent ainsi aux heures de foi naïve, où leur âme attendrie faisait acte d'adoration sincère et spontanée. au plus fervent, n'admet-il point que leurs yeux s'emplissent de larmes douces? Assurément, ils ne réservaient aucune part de leur être. Se donnant tout entier, ils n'auraient pas compris qu'on peut faire autrement, et si quelqu'un leur eût alors proposé de plier leurs croyances au compromis facile dont aisément s'accommode une foule de gens réputés pieux, nul doute qu'ils l'eussent repoussé de toute leur énergie. Ceux-là, je le répète, mais ceux-là seuls, pourront comprendre. Disons mieux, sentir en la recréant sympathiquement cette existence tout entière qui fut celle du bienheureux Angelico, absorbé dans l'amour unique de son Dieu et rempli jusqu'à l'heure de la mort par la certitude des croyances dont furent bercées leurs âmes d'enfants. Âme d'enfant lui aussi, par sa grâce et sa fraîcheur, mais doté d'un génie inventif égal à celui des plus grands maîtres, et sans doute assez peu conscient, je l'ai déjà dit. Ce sont bien les traits par où l'Angelico s'impose à mon attention émue. Contraste essentiel pour qui le veut comprendre. Voici, dans la série des cellules de ce couvent Saint-Marc, la plus haute et la plus définitive expression de cette âme. D'abord, la Madeleine devant le Christ. Au bord d'une prairie toute constellée de fleurs, et sur le seuil de sa grotte, la pécheresse agenouillée élève les mains vers le Rédempteur qui, d'un geste noble et triste, prononce le Noli me tangere. Je ne sais qu'une œuvre où cette scène ait été retracée avec une aussi touchante noblesse, et celui qui la peignit fut le doux Lorenzo di Credi. Puis, la résurrection du Rédempteur nous montre, au-dessus du sépulcre entr'ouvert et dominant les saintes femmes, une étonnante figure de Christ, vraiment sublime celle-là. Regard de voyants, qui non plus seulement sympathisèrent avec l'humanité souffrante, mais comprirent en outre et surpénétrer les obscurs mystères de la vie. Enfin, dans le Christ au sépulcre, tous les attributs de la passion, la croix, le baiser de Judas, la main qui donne le soufflet, celle qui s'allonge pour recevoir le prix du sang, se trouvent réunis dans une même œuvre, synthèse d'ordre unique, et font de cette fresque la plus surprenante tentative symbolique que la peinture de ce temps ait osée. Ainsi, voyons-nous, s'accentuant et s'élevant à mesure vers un idéal supérieur inconsciemment plus raffiné, le génie de Fra Angelico. Dans la première composition, l'artiste a souci seulement de retracer un rêve qui se suffit à lui-même, un épisode d'une grâce complète et qui émeut son âme par son humble supplication. Dans la seconde, imposée en quelque sorte et accrue par la donnée surnaturelle du sujet, se dresse tout en haut le symbole, l'admirable figure de Jésus ressuscité, doté d'une majesté mythique qui évoque le souvenir des conceptions les plus raffinées. Quant à la dernière, c'est bien d'une scène historique et réelle qu'Angelico voulait fixer la hantise, et pourtant il ne se limita pas, comme dans les précédents, aux éléments précis de cette réalité. C'est que, très différent par là des modernes artistes, quand il peignait cette fresque, elle n'est d'ailleurs pas la seule du même ordre qui se trouve en ce couvent Saint-Marc, il ne se souciait pas de traduire avec exactitude un trait historique et de faire revivre dans la peinture un événement passé si émouvant fut-il. C'est le fond de son âme, non par la nature extérieure qu'il voulait exprimer, et dans cette âme s'évoquait nécessairement, à la faveur d'un imbrisable lien, d'autres événements attachés à cette figure par l'émotion même et par la pitié éperdue du peintre. Non, certes, ce n'est pas à côté du Christ que s'est tendue la main traîtresse où fut compté le prix du sang, mais dans l'âme de Fra Angelico, la main qui s'allonge pour recevoir ce prix et le visage de Saint-Pierre reniant son maître par respect humain et la bouche crachant l'ouvrage à la face divine, toutes ces choses coexistaient, vivaient d'une vie pareille, puisaient à la source d'une pareille émotion. Et n'est-il pas saisissant de voir ainsi le maître primitif, poussé par l'unique instinct, employant l'intense et violent procédé que pensèrent innover peut-être certains des plus tourmentés parmi les esthètes décadents de l'âge moderne? Primitif, C'est le nom de la catégorie où notre manie ordonnatrice s'obstine à classer l'auteur d'œuvres si intenses et si expressives. Et certes, il est plaisant pour le moins de songer à ce qu'impliquait autrefois de facile dédain une telle appellation. Je sais bien que depuis, on est revenu sur leur compte, et que justice fut rendue à certains. Pourtant, ne faudra-t-il pas s'entendre sur la valeur comme sur la portée du mot ? M. Taine, qui parfois rencontra des accents éloquents à vanter ceux qu'il appelle les maîtres de la grande époque, mais dont le principal tort à Florence fut de n'avoir Dieu que pour les Vénitiens, vers qui l'orientait un goût trop exclusif, M. Taine régla le compte de ses primitifs avec une prodigieuse désinvolture. À vrai dire, il passa devant leurs œuvres sans en rien voir ni rien comprendre. Ce fut pour lui comme une chose morte, et l'implacable logique, qui si fréquemment avait rétréci sa vision, une fois de plus, lui mit un bandeau sur les yeux. Parce que ses facultés critiques trouvèrent à s'exercer dans le domaine étroit et formel des inexpériences techniques, il en vint à méconnaître la sincérité vivace et l'originalité d'un art qui puisa son inspiration aux sources du sentiment. La tâche était facile de dénoncer les maladresses de dessin, la roideur des attitudes et le défaut des perspectives, bref, toutes les insuffisances inhérentes à un art de début. Mais qui ne sent aujourd'hui la fausseté de ce point de vue ? Et qui, si l'on plaçait, les unes auprès des autres, dans l'ordre exact où elles furent peintes, les œuvres d'une même école, depuis son origine jusqu'à sa décadence, les primitifs n'apparaîtraient pas toujours à des yeux clairvoyants ceux que leur date nous marque-t-elle ? Vérité que nous percevons maintenant avec une étrange précision jusqu'à l'excès peut-être. Mais l'excès même était utile afin que se trouvât rétabli l'équilibre. La force créatrice, l'inégalable puissance du sentiment. Voilà donc ce qui échappait de façon surprenante aux prises de sa critique et ce qu'il nous appartient maintenant de mettre en lumière, car les conséquences s'en déduiront avec une éloquente rigueur. En art, savoir n'est rien, sentir est tout, ainsi pourrait se formuler l'idée. Et n'est-ce point préciser la cause de nos modernes impuissances ? N'allez pas chercher ailleurs, elle est tout en ceci. Nous nous mourons de trop de science, et les belles énergies qui soulevaient les âmes d'alors sont refusées à nos cerveaux débilités par cet apport de notions froides où ne circule plus la vie. Édifiant et magnifique exemple, celui de ces maîtres à qui la tradition n'avait rien légué et qui durent tout tirer d'eux-mêmes, dans la sincérité de leur foi, dans l'impérieux besoin d'exprimer au dehors ce qui tant émotionnait leur âme, ils trouvèrent la puissance d'invention qui maintenant nous déconcerte, comme ils surent se créer de toutes pièces une forme expressive où condenser leurs rêves. N'offrissent-ils que cette prise unique à nos facultés d'observation analyste, il vaudrait qu'on s'arrêtât pour interroger leur génie. Qui nous rendra la sève et la force inconsciente de ce pur Angelico, célébrant au mur de son couvent la légende du Sauveur ? Ce sont, hélas, des dons disparus à jamais, et que seule une visitation d'en haut pourrait accorder à quelque élu. Mais voilà, pour nous c'est une légende, et celui était l'unique réalité. Entre ses yeux et la muraille de sa cellule, aussi vivant, aussi palpable, lui apparaissait le corps du Christ que celui du religieux qui venait à l'instant de quitter sa cellule. Combien parfaite l'unité qui relie cette existence et cet art de croyant. Lien tellement poétique que même pour nos esprits incrédules, il constitue la plus impressionnante beauté. Ils ne connurent pas tous cette absorption de l'âme en la croyance qui la doit occuper et garantir contre les entreprises du dehors. Chaque cellule est éclairée par une ouverture qui prend jour sur la ville, et c'est aussi une façon d'avertissement, quelque chose comme un regard jeté sur le monde extérieur. Si étroite soit-elle, elle nous paraît dotée d'une valeur symbolique. Pour y avoir sans doute trop fréquemment et trop longtemps rêvé, quelques-uns y perdirent cette paix de l'âme que seul le culte de la vie intérieure maintient à ses élus. tel, par exemple, ce Filippo Lippi, moine comme Angelico, grand peintre autant que lui, et qui, surpris d'amour pour une religieuse dont il peignait le touchant visage, l'arracha de son couvent, renonçant ainsi aux bénéfices de l'existence monacale. La tradition rapporte qu'ils s'aimèrent passionnément. Encore pour nous est-ce une question de savoir si ces pleurs passionnés et coupables que Filippo versa sur la poitrine de sa maîtresse égalèrent en intensité les larmes saintes du bienheureux Angelico défaillant d'extase devant l'image de son Dieu crucifié. Ainsi s'achève Les larmes de Fra Angelico de Paul Flatt.